J'espère que tu es en pleine forme. Je suis Lia, je suis avec toi dans cette émission L'Odeur du Son. Alors non, nous ne sommes pas lundi, mais nous sommes bien le vendredi 17 décembre. Il est midi une, très précisément. Nous sommes en direct et elle sent très très bon cette émission. Car avec moi aujourd'hui, Jonathan Mougel, meilleur ouvrier de France, pâtissier confiseur. Bonjour Jonathan, comment ça va? Bonjour Lia, ça va bien et toi? Je vais très bien, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors je l'ai dit, tu es meilleur ouvrier de France, pâtissier confiseur. Mais toi, si tu devais te présenter en quelques mots, simplement, ça serait comment? Eh ben, Jonathan Mougel, un pâtissier qui a commencé il y a quelques années maintenant, hein, j'ai 40 ans, et je suis vosgien, très fier d'être issu de ce département. Donc, en toute simplicité, Jonathan, pâtissier, voilà. Ah, ben voilà, c'est parfait. Alors, pourquoi L'Odeur du Son à vendredi, auditeur? Eh bien, parce que, Jonathan, tu as un emploi du temps très, très, très, très chargé. Voilà des années quand même que j'essaye de t'avoir au sein des studios de Radio Guémozo. On remarque que ton nom ne nous est pas inconnu. Tu es le fils d'une grande figure de Radio Guémozo. Il faut le savoir. Si, si, il est écouté à l'étranger quand même. Hein. Gilou, que l'on embrasse car il est forcément derrière le poste. Voilà, le papa. Je lui disais il y a quelques minutes, tu as donc été adoubé pour moi. C'est comme ça que je le vois. Meilleur ouvrier de France, pâtissier, confiseur. Alors, j'ai perdu le mot. Le concours, tu l'as passé en 2019, mais tu as été tu as eu les couleurs en 2019. Hein? Ouais, le concours est en 2018. Voilà, en fait, c'est ça. À la finale. Ouais. Voilà, c'est ça. Je vais y arriver. Je suis perdue moi-même. Et voilà, tu as eu les couleurs en 2019 au Palais de l'Élysée, quand même, s'il vous plaît. Petit aparté, tu as également reçu la médaille de la ville de Remiremont, également en juillet 2019. Alors, quelle concrétisation, j'imagine, c'est une grande consécration quand même. Ce titre, à noter que tu es le premier Vosgien, à te voir décerner ce titre de MOF dans cette catégorie. En pâtisserie, oui, bien sûr. Incroyable. Alors, j'imagine que c'est un rêve qui se réalise. Oui, c'est un vrai rêve. Et je l'expliquais justement hier, j'étais dans une école au lycée hôtelier à Gérardmer. Oui. J'interviens 3-4 fois par an dans des écoles comme ça pour transmettre un petit peu, expliquer notre métier. Et j'ai commencé à Gérardmer et vers l'âge de 18 ans, j'allais beaucoup au CDI. Et j'ouvrais ces magazines de pâtisserie et je voyais ces bleus, blancs, rouges. Je me suis intéressé, je disais, c'est quoi ces bleus, blancs, rouges? Tout a commencé là, à l'âge de 18 ans. D'accord. Alors, c'est un objectif de longue date, hein, tu viens de le dire. Tu avais déjà tenté le concours. J'ai appris avec toi en off, juste avant de cette émission, que ce concours, on pouvait y participer tous les 3 ou 4 ans. Donc, Exactement. C'est un peu rare, quand même. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Voilà, donc, c'est ça. Première fois, je me suis inscrit en 2013 et je suis allé en finale en 2015 à Paris. J'ai échoué. D'accord. Et les inscriptions commençaient en 2017 et c'était pour une finale en 2018. Voilà. D'accord. Donc, c'est tous les 3 ou 4 ans, à peu près. Donc, tu t'inscris avant pour participer ensuite. C'est quoi le temps au milieu? C'est un temps de préparation? C'est ça, en fait. Donc, les inscriptions sont ouvertes généralement 2 années à peu près avant. On va commencer par une phase de sélection. Donc, c'est une première épreuve. La sélection est sur 18 heures, dont une journée de 11 heures. Voilà. Vous faites votre épreuve avec différentes choses, des pièces artistiques, des confiseries, des chocolats, des brioches, tout ce qui peut toucher au métier de pâtissier. À l'issue de ces 18 heures, on reçoit un courrier un mois après à la poste, savoir si on est qualifié ou non pour la finale. Et donc là, je me suis qualifié pour la finale à 2 reprises, donc en 2015 et en 2018. Et après, on se reprépare à nouveau durant des mois pour préparer cette finale. On a souvent le sujet à peu près 6 mois à l'avance. D'accord. Alors, emmène-nous dans l'envers du décor quand même. Comment ça se déroule un concours comme celui-là? Et quelle est ton expérience à travers cette aventure-là? Une fois que tu as été sélectionné, c'est parti, tu y vas, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour déjà expliquer, c'est un concours où on y va à partir de l'âge de 25 ans avec un casier judiciaire vierge. Ah oui. J'ai dû mettre quelques bandes de Tipex, moi, ça passe. J'exagère. Papa va avoir peur. Ouais, il va être content. Je vous passe le bonjour d'ailleurs. Donc voilà, ça se passe comme ça, on s'inscrit et puis la sélection, on a un sujet on va parler de 2018, l'année où oui, un peu mieux. Je suis tombé sur un sujet, on pouvait choisir entre Pâques, mariage, anniversaire, on avait 3-4 thèmes et là vous avez donc des choses à préparer. Alors je vais pas tout vous expliquer, mais par exemple sur ce thème, on a une pièce en chocolat, une pièce en sucre à faire, ce sont des chefs-d'œuvre. Oui. Et on va avoir par exemple de 16 brioches individuelles. Ça, c'est un thème, et on fait ce qu'on veut dedans. Où je vais avoir, par exemple, j'ai eu un pâté en croûte. Il fallait faire un pâté en croûte. J'ai eu également tartelette avec fonçage obligatoire, donc on va mettre la pâte dans un cercle, et la finition sans moule. Ça veut dire qu'ils cherchaient à ce qu'on réutilise un peu la poche ou la palette. Donc vous avez des grandes lignes comme ceci, et vous faites ce que vous voulez au niveau de vos pâtisseries. Ok, d'accord. Alors, pâté, c'est pas forcément de la pâtisserie, ça? Alors, le métier de traiteur est très proche du métier de pâtissier. À l'époque, il y avait un four dans le village et le pâtissier faisait beaucoup les cuissons. Voilà. D'accord. Donc, pâtissier-traiteur, c'est très proche. Et on a toujours une petite pièce salée à faire dans la sélection, en tout cas. D'accord. Bah, ça, c'est bien, ça. Pâté en croûte, c'était pas mal. Pâté en croûte, allez. Pourquoi pas. Est-ce qu'il faut un nombre d'années d'expérience pour pouvoir se présenter à ce concours? Tu me parles de l'âge, là. Est-ce que, du coup, il faut justifier d'une expérience minimum? Alors, il faut 25 ans, ça c'est vraiment le minimum. D'accord. Maintenant, si vous voulez y aller à 26 ans, vous vous sentez prêt, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Oui. Moi, je me suis senti prêt à 32 ans, voilà, c'est la première fois que je suis, c'était à 32 ans. Donc, on a une maturité professionnelle, toute l'expérience professionnelle qu'on a pu faire depuis l'école, en fait. Se sentir bien physiquement, se sentir bien mentalement, c'est du sport, hein. Sincèrement, c'est concours... c'est ce que tu me disais juste avant. Mmh. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, c'est limite une préparation physique aussi, en plus. Préparation physique, préparation mentale, donc je faisais de l'acupuncture, par exemple, je voyais un ostéopathe. Le régime également alimentaire qui est important. Tout ça, toutes ces choses-là, on dirait pas quand on fait... c'est pas tout à fait ce qu'on voit à la télé, en fait. Hein. Oui. J'aime bien remettre aussi les choses en place. C'est la télé, on voit des belles choses, on voit des concours, tout ce qu'on peut voir autour de la télé. Là, c'est un concours en loge, on appelle ça concours en loge. D'accord. Et c'est... Alors, la sélection, c'est 18h, la finale, c'est 31h sur 3 jours. Voilà. Oula. C'est très intense. Et il faut se préparer mentalement à différentes choses. Oui. Physiquement, tenir la cadence sur des journées de 11h. Mentalement, par exemple, si vous arrivez une petite bricole, quelque chose qui marche pas, il faut réagir tout de suite. Il y a des jurys, il y a le jury travail, voilà, qui vous examine toute la journée, qui vous regarde travailler. Vous avez un jury dégustation qui lui va forcément goûter toutes vos recettes. D'accord. Et à la fin, vous avez un jury artistique qui va examiner votre buffet final. Incroyable. Alors comment toi tu as vécu justement mentalement toutes ces épreuves? Est-ce que voilà, t'étais dedans? Ultra concentré, tu ne penses plus à rien d'autre pendant toutes ces heures-là et ça roule. Alors c'est vrai que 2018, ma dernière finale, s'est plutôt très très bien passée. J'avais connu quelques difficultés en 2015. C'est là qu'en faisant les deux concours que j'ai pu changer ma préparation. Donc la préparation mentale m'a beaucoup aidé, la gestion du stress parce que c'est quand même assez costaud. 2018 s'est plutôt bien passé, je le dis humblement parce que voilà, c'est pas des concours faciles, mais c'est vrai que je n'ai pas eu de problème physique, j'ai pas eu de problème mental, j'ai pas eu de soucis techniques, on va dire, durant toute l'épreuve. Donc je suis très fier d'avoir surpassé mes émotions et cette gestion du stress, ouais. Mais déjà d'avoir échoué au pied du podium comme tu le disais pour la première édition à laquelle tu as participé et retenter le concours, c'est déjà une grande preuve de force mentale parce qu'on pourrait complètement lâcher l'histoire et se dire j'ai échoué, je ne recommence pas. Alors c'est vrai que c'est de l'investissement total durant 4 ans. On met sa famille de côté, on met ses amis de côté, on supprime beaucoup beaucoup de choses. Il y a un investissement financier également pour ce genre de concours. Non, faut un peu de courage. J'ai toujours été sportif aussi, donc ça m'a beaucoup servi. Mes parents m'ont aussi inculqué effectivement ce courage, donc ça m'a beaucoup servi durant toutes ces épreuves. Bah, ça va leur faire plaisir, ça. Alors tu me disais juste avant qu'il y avait un parrain qui t'aide tout au long de ce concours. Comment ça se passe et qui était-il? Alors Stéphane Leroux, qui est meilleur ouvrier de France en pâtisserie 2004. Ah oui. Donc on bosse dans la même société et il y a quelques années en arrière, on a discuté, on était autour d'un en train de manger un gâteau d'ailleurs et il a proposé de m'aider pour ce concours. D'accord. Étant donné que je l'avais vraiment dans la tête, ben, on a signé tout de suite. Alors, on a signé façon de parler, hein. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien du tout. Et donc, ce parrain, c'est un coach. Moi, je l'appelle parrain parce qu'on allait un petit peu plus loin que le coaching. Il connaît ma famille, je connais sa famille. On a pu vraiment s'exprimer de façon assez proche. Et donc, il est là pour nous guider un petit peu. Comme il connaît le concours, il va me guider, il va me coacher, il va me pousser dans mes retranchements aussi. Ouais. jusqu'à arriver à ce bon résultat. Incroyable. Est-ce que tu as une aide sur place pour t'aider à confectionner tout ce que tu dois faire ou c'est vraiment toi tout seul? Alors on est tout seul. Comme je disais, je vais parler de ça, c'est important. On est tout seul à porter cette veste bleu, blanc, rouge, mais on a beaucoup de monde qui gravite autour. Oui. Entre votre famille qui vous soutient, des amis qui vont vous donner un petit coup de main, quelqu'un qui va me réaliser tel ou tel moule. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a inculqué la gravure, par exemple. Je m'en suis beaucoup servi. Quelqu'un qui va vous faire un cercle spécial. Vous allez rencontrer aussi un menuisier pour un meuble parce que on vient avec tout notre matériel. Hein. Ah bon? On vous donne une salle avec un laboratoire avec une table et un four, un frigo, un congélateur. Et le reste, on emmène. Donc, tout ce qui va nous servir à faire ce qu'on nous demande, vous l'emmenez, ainsi que vos ingrédients et tout ça. Donc, il y a à peu près 60 personnes qui ont gravité autour de ces deux concours, on va dire, de ces deux finales. Je les remercie d'ailleurs tous. Et donc, on est seul au moment présent pour faire notre pâtisserie, mais on a des gens qui vous ont fait des petites choses. Le jour J, on a un apprenti. D'accord. Donc, pour parler de la dernière finale, on l'avait 4 heures par jour. Uniquement sur 2 jours, pas le 3e jour. Oui. Je répète, la finale était sur 31 heures avec 2 journées de 11 heures. Voilà. Purée. Et l'apprenti, il a commencé le métier en septembre et il était avec nous en octobre. Je vous laisse imaginer. Ah oui. Un peu la panique des deux côtés. Effectivement. Mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Il s'appelle Lancelot et de temps en temps, je le fais venir en démonstration avec moi. Voilà. Parce qu'il m'a donné un bon coup de main aussi. D'accord. Il est toujours en contact avec toi, du coup. Exactement. J'imagine que ça doit rester une expérience incroyable pour lui aussi. Tout à fait. Vraiment. Hein. On a fait une démonstration ensemble à Paris. Un gamin jeune et timide. D'ailleurs, il était surpris. Il avait 100 personnes devant lui. Donc, il a été un petit peu en panique. C'est assez drôle. Mais C'est un bon souvenir, oui. Donc, tu es jugé pendant ce concours, tu l'as dit tout à l'heure, sur la maîtrise, la technique, le dressage, les goûts, des épreuves plus difficiles les unes que les autres. Pour toi, c'était quoi le plus difficile, justement? Ce que je voulais vraiment réussir à faire, déjà, c'est de proposer, parce que c'est une fierté d'être là et d'être jugé par des pairs, des pairs meilleurs ouvriers de France ou champions du monde, avec des grands professionnels. Pierre Hermé était là en dégustation, par exemple. Ah oui. Donc c'est déjà une fierté de pouvoir leur proposer mon travail, c'est clair. Donc je voulais absolument tout sortir, tout ce que j'avais prévu. C'était mon plus grand stress, ma plus grande difficulté. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, on se prépare comme un robot. Je faisais 14, 15, 16 heures par jour, tous les jours, pendant 3 mois, juste avant la finale. D'accord. Basé uniquement sur le concours. Donc c'était pour moi le plus dur, c'était d'enchaîner et de réaliser toutes ces heures sans difficulté. Oui, tu répètes, tu veux dire, c'est comme une répétition avant le concours, tu fais les gestes, j'imagine, maintes et maintes fois pour vraiment imprégner ça dans ton corps. Alors souvent on me pose la question, combien d'années tu t'es entraîné pour ce concours? Avant je disais, c'est 2 ans où on s'entraîne à fond pour répéter nos gestes, mais je pense que c'est aussi un travail de toute une vie. Oui. J'expliquais encore hier, à l'âge de 18 ans, j'ai voulu faire ça. Donc, chaque geste que je faisais, chaque mouvement, chaque façon de penser était pensée pour ce concours. Incroyable. Donc, pour moi, c'est le travail d'une vie. Maintenant, ces 2 ans de prépa, elles vont orchestrer, robotiser, pour tenir la cadence pendant 11 heures, que chaque mouvement soit précis, que quand je vais au four, faut que ça sorte du premier coup, et ainsi de suite. Incroyable. Est-ce qu'il y avait des ingrédients imposés, par exemple? Alors, par exemple, pour la finale, on avait en dégustation une pâtisserie d'automne pour 12 personnes avec fruits de saison. Donc, on était au mois d'octobre. Il fallait impérativement utiliser des fruits de saison. Oui. Alors, j'étais libre sur les fruits de saison. J'ai travaillé la pomme, le marron et le coing, par exemple. Et ça donnait quoi? Ça donnait quoi? Une jolie petite tarte avec... Je donnais les composants, l'IA. Ah, bien sûr. Attends. Alors, attention, on est parti. Et bon appétit, d'ailleurs, auditeur. Une pâte sucrée noisette. C'était une forme oblong, cette tartelette. Donc, une grande tarte, un petit peu comme une forme d'éclair. D'accord. Voilà, c'est oblong. Pâte sucrée noisette, crème d'amande noisette. Mmh. Une crème pâtissière marron, une crème spéciale marron. un confit de coin. Dessus, j'avais cuit des pommes coupées un petit peu à la mandoline, comme un petit feuilleté de pommes. Par-dessus, il y avait un vermicelle de marron, pour ceux qui connaissent la torche au marron. Et il y avait encore une chantilly marron. Voilà, ça paraît beaucoup, mais tout ça passait parfaitement ensemble. Ouais. Faut trouver le juste équilibre des saveurs. Toujours. Et ça, j'imagine que ça aussi, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Et là, pour le coup, on avait 4 dégustations. Donc, je les faisais pour les créer. Je les faisais tous les jours. Et je les goûtais tous les jours. Ah oui. Pour ça, il faut faire un régime aussi alimentaire, hein, pour courir derrière. Et en fait, chaque jour, ça me permettait de faire évoluer cette recette constamment. Est-ce qu'à chaque fois que tu l'as fait, cette recette, il y a toujours une saveur différente? Souvent. Et quand vous allez goûter le lundi et le mercredi, on n'est pas toujours dans le même état d'esprit. On n'est pas des robots, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Et vous pouvez ressentir des choses un peu différemment. Peut-être qu'on a mal cuit ou plus cuit. Le four a changé en température. Donc, voilà, il y a des petites choses qui peuvent changer. Et je suis aussi un internel insatisfait. Je veux toujours que ça soit meilleur. Ouais, donc. D'accord. Si tu pouvais garder un seul souvenir, lequel serait le meilleur? Même si je pense peut-être connaître la réponse. Ouais, le moment des résultats, sans aucun doute. Alors, il y a deux choses dans ces résultats. C'est que, ça, j'aime bien l'expliquer aussi. On est assez égoïste pendant 2-3 ans de préparation où on pense qu'à soi, on pense qu'à ce concours. On le vit sous la douche, en train de manger ou en train de travailler, on pense à ce concours. Oui, oui. Donc, forcément, votre famille, ma compagne, les amis, quand j'allais au foot et tout ça, c'est difficile pour eux, j'imagine, parce qu'on parle que de ça. On est vraiment à 100% là-dedans. Oui. Et au moment des résultats, finalement, c'est le seul moment où j'ai pas été égoïste. Alors quand je dis égoïste, hein, c'est peut-être pas au bon sens du terme, mais j'ai pensé à tout le monde, j'ai pensé à toutes les personnes qui m'ont accompagné. Voilà. Et forcément, quand on donne votre nom, c'est assez exceptionnel. De plus, que c'est par ordre alphabétique. Ah oui. Les gagnants, enfin les lauréats, on nomme les lauréats uniquement les lauréats et par ordre alphabétique. D'accord. Donc en 2015, j'ai connu l'échec et donc on est passé de C à R, donc forcément le M est éliminé. Oui. Et là cette fois on a prononcé Jonathan Mougel, donc c'était assez exceptionnel. Oh, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Vraiment? Ouais. Mike Tyson qui vous met un petit coup de poing. un petit ouais. Non, j'ai bien expliqué aussi. Alors il y a une vidéo qui existe, hein, au moment des résultats, elle est assez surprenante. On va nommer le premier lauréat. Il s'appelle David Briand. On bossait face à face. D'ailleurs, dans le laboratoire, on a des tables, on bosse l'un en face de l'autre. Donc, j'ai une belle émotion parce que David est un bon ami et puis, voilà, très content pour lui. Deuxième lauréat appelé, j'ai une émotion qui est un petit peu redescendante puisqu'il a fait un travail qui est très différent du mien. Voilà, on a un peu peur parce qu'on est déjà aussi au numéro 2. En 2015, il n'y avait que 3 lauréats. Donc, d'accord, on est déjà au numéro 2. Donc, ça passe très vite, hein. Ça passe en quelques secondes, tout ça. Troisième, c'est Jean-Cri, il a 51 ans. Donc c'est énorme parce que le first épreuve à 51 ans, c'est très très fort. Oui. Donc là, je remonte en émotion à ce moment-là. Et en plus, Jean-Christophe Janson, il s'appelle. Il y a trop de J. Et je me dis, il va dire Jonathan Mougel. Donc voilà, il prononce Jonathan Mougel et là, c'est l'euphorie. Ouais. Est-ce que tu réalises sur le moment? Non, impossible. Combien de temps il faut pour réaliser ça? J'ai vraiment réalisé quand j'ai reçu la veste et la médaille à l'Élysée. Ouais, ça a été ce moment avec le président de la République qui nous a fait un joli discours. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Donc là, c'est la deuxième étape, entre guillemets, le moment où tu reçois les couleurs, la médaille, devant le président de la République à l'Élysée, avec deux personnes de ton choix, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Ouais. Ça doit être un moment incroyable. C'est terrible. Et puis, on va pas tous les jours à la Sorbonne. Il y avait la Sorbonne aussi. On recevait vraiment la médaille à la Sorbonne. C'est le ministre Blanquer qui me l'a d'ailleurs remise. Et ensuite, on passe à l'Élysée pour un petit cocktail avec le président Macron. Donc, c'était, non, c'est exceptionnel. On va pas tous les jours dans ces lieux-là. Ça doit rester toute sa vie, c'est sûr. Qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir meilleur ouvrier de France? Ah, c'est une question qu'on me pose souvent. Ah oui. En termes de travail, j'ai jamais été ennuyé par le travail. Je bosse beaucoup et je travaillais déjà beaucoup. Mais là, c'est vrai que il y a des demandes de plus en plus importantes dans mes 3 activités. Peut-être qu'on l'expliquera tout à l'heure. Oui. C'est vrai qu'il y a des demandes de plus importantes. Le regard beaucoup. Le regard a énormément changé. Oui. Ça, c'est assez incroyable. J'ai envie de dire, c'est la première chose. Ouais. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te gêne ou est-ce que voilà, tu trouves ça normal parce que le regard est différent, on attend des choses de toi peut-être? Oui, alors j'arrive à le comprendre parce que j'ai toujours adoré rencontrer ces meilleurs de France ou respecter leur travail, les connaître. C'est sûr, j'ai toujours c'est dur à dire ça. Idéalisé, ouais, par exemple. Chacun son tour. Hein. effectivement, donc j'arrive à le comprendre, mais c'est toujours un petit peu gênant. C'est jamais toujours évident. Mais attention, je l'apprécie énormément. Et oui. Je comprends ce que c'est, tout à fait. Réaliser le rêve d'une vie, ça doit être incroyable. Mais qu'est-ce qu'on fait après, ensuite, une fois qu'on a réalisé ce rêve-là incroyable? Est-ce qu'on s'en fixe un autre? Toujours, c'est pas une finalité, voilà. Et je crois que c'est même plus dur après qu'avant. Il faut savoir le porter, il faut transmettre, emmener notre nouvelle génération à faire ce concours ou à progresser dans ce métier. Je suis d'autant plus fier, en fait. J'étais jusqu'en troisième au collège et j'ai décidé de faire pâtissier. Voilà, j'ai décidé de faire pâtissier et c'était en 97. En 97, on disait souvent aux jeunes, ah, faut faire aussi général, il faut aller vers des bacs, des choses comme ça. Moi, je suis très fier d'avoir fait un vrai métier manuel et puis d'être allé au plus haut de ce métier, en fait. Mais c'est vraiment pas fini, je le répète. On doit encore progresser, on apprend tous les jours. J'imagine. On va se faire une petite aparté musicale. Alors, avec un son que j'ai choisi, qui est mon coup de cœur, voilà, depuis hier. D'ailleurs, Gilou m'a vu me déhancher sur ce son incroyable que j'ai rencontré hier, que moi-même j'ai mis dans le diffuseur, mais que j'avais oublié. C'est un son très kitsch, mais voilà, je l'affectionne beaucoup. Ça lui fera plaisir peut-être, car c'est de la chanson romantique, mais de 2021, Gilou. C'est pour toi. On se retrouve juste après. C'est Morceau de toi, Mallory et Iseut. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Mondrian sur Sunset, Saint-Laurent sur tes hanches, bleu turquoise dans tes yeux, des loopings dans ma tête, je sors et je dors jamais. Mon cœur en deux, je vois des morceaux de toi partout, des larmes du monde bourre partout. Ça c'est toi, c'est tout toi partout, des I love you partout. Je vois des morceaux de toi. De toi, voilà mon petit coup de cœur musical du moment. Ça t'a plu? Très bien, parfait. J'embrasse Gilou qui nous fait un petit coucou et qui nous dit être à l'écoute. Et il me trouve troublée. Eh bien non, Gilou, je suis très impressionnée par le meilleur ouvrier de France que j'ai dans les studios et que j'attends d'avoir depuis des années, tout simplement. Alors, on parlait un petit peu en off. Tu aimerais revenir sur la thématique justement que tu as dû rencontrer durant ce concours. C'était quoi alors ? Alors pour la finale, on avait donc 31 heures et le thème c'était hier, aujourd'hui, demain. Ah oui. Donc là, j'ai recontacté mes profs de français, de collège et tout ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, j'ai travaillé sur des thèmes qui sont importants pour moi, c'est la biodiversité. Et j'ai traité la biodiversité de hier et d'aujourd'hui. Génial. Et le biomimétisme de demain. Donc, biomimétisme, c'est l'homme qui se sert vraiment de la nature pour créer des choses. Et je trouvais que c'était vraiment d'actualité, qu'il y a un fil conducteur sur les abeilles, parce que sans elles, on serait pas là. D'accord. Et j'ai voulu tourner autour de ça pour le présent, le futur et puis forcément le passé. Incroyable, c'est une très bonne idée ça. Et par rapport aux autres thématiques des autres candidats ? Alors de mémoire, quelques-uns avaient quand même utilisé ce phénomène de nature comme ça. Je trouve que c'est d'actualité. Il y avait quelqu'un, je crois, avait travaillé sur l'aviation. Donc on pouvait repérer un vieil avion, un nouvel avion. Ce que disait un peu mon parrain, mon coach, il me disait « mais le futur, c'est toi qui l'invente ». Donc j'ai pu créer des choses... hallucinante, mais qui n'existe pas encore et qui existeront peut-être demain. Il faut avoir une sacrée imagination, du coup, pour se lancer dans un projet comme celui-ci. Mais totalement, en fait. Il y a le métier de pâtissier qu'on connaît tous, mélanger des ingrédients, créer des choses, ça c'est facile. C'est toujours plus simple, mais vous avez vos chefs-d'œuvre artistiques où là, faut exprimer un petit peu la thématique. Oui. Exprimer qui on est aussi, et j'ai voulu exprimer qui je suis à travers cette thématique. Mais c'est chouette. Il y avait quelques anecdotes aussi, j'imagine qu'on doit, rencontrer de sacrées situations. Oui, alors des situations délicates, difficiles, il y a des situations aussi un peu plus comiques malgré tout. Il y a aussi ouais, non, c'est vrai. Bon, vous êtes assez concentrés quand même, 11 heures, ça passe à une vitesse phénoménale. Ah oui. Phénoménale, ouais. Par exemple, je la raconte souvent celle-ci. C'est l'organisation générale. J'ai un chrono qui sonne toutes les heures pendant mes 11 heures. Toutes les heures, il me dit Jonathan, faut que tu manges quoi. Ah oui. Donc j'ai une boîte dans le frigo qui contient une banane coupée en tranches, une barre de céréales coupée également en tranches et une bouteille d'eau. Donc toutes les heures, le chrono sonne et je mange un bout de banane, une barre de céréales et une gorgée d'eau. Donc ça se passe durant toute l'épreuve. Mais en fait, on est tellement speed, j'ai dû manger 3 heures par jour en fait. Donc après, j'ai coupé le chrono et je mangeais plus de la journée. Oh la vache. Très bien pour le régime, ça, c'est super efficace. Ah bah oui, j'imagine. Et puis une petite aussi, je raconte, c'est pour faire rire un peu, mais je me suis entraîné aussi à ne pas aller aux toilettes. Ah oui, ah bah oui. Non mais vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Pas. Mais non, mais on n'y pense pas, c'est vrai. On n'y pense pas. Essayez pendant 11 heures, vous allez voir. Mais en fait, ma seule peur, c'était pas forcément de perdre du temps, parce que bon, on peut aller assez vite. Ma seule peur, c'est de rester bloqué quelque part dans les toilettes ou je ne sais quoi. Et là, vous perdez vite un quart d'heure, 20 minutes. Donc, en fait, je m'étais aussi entraîné à manger de façon régulière, comme ça, et de pas aller aux toilettes. D'accord. Oui, tout à fait. Ou alors le plan, carrément, du bâtiment pour savoir où passer si jamais tu es coincé, quoi. Exactement. Pourquoi pas? Prison Break version Jonathan Mougiel à travers. Allez, je fais un petit flashback. Tu es donc natif de Remiremont et ton aventure dans la pâtisserie a débuté par un stage de 3e à la pâtisserie du Tertre chez Monsieur Perret. C'est ça. Ouais. Tu as tout de suite su que c'était le métier que tu voulais faire. Ah mais totalement, c'est vrai que j'avais un copain qui avait un an de plus que moi, qui faisait de la cuisine, et c'est vrai que il m'expliquait un petit peu tout ce qu'il faisait, ça me plaisait bien. J'avais raconté à ma mère aussi que depuis longtemps je voulais faire ce métier, donc j'ai fait ce test en 3e, 3 jours, et j'ai tellement apprécié que je suis revenu encore 2 jours, puis 2 jours, oui. Puis 4 jours. Et la petite histoire, Monsieur Perret s'en souvient d'ailleurs, j'ai mangé tellement de crème en me léchant les doigts que j'étais malade le lendemain. J'ai dit ouais, ça c'est un beau métier. Ah bah tu m'étonnes. Et d'où te vient cette passion dévorante, si je puis me permettre ce jeu de mots ? J'en sais rien du tout. J'avoue, j'en sais rien. Avant tout, je suis gourmand, ça c'est sûr. J'aime les bonnes choses, mais de vouloir faire ce métier, je sais pas d'où il vient. Ce qui est sûr, c'est quand je l'ai commencé, j'ai voulu aller jusqu'au bout, le plus loin possible. Même si je dis que c'est pas fini, en tout cas, je suis allé jusqu'au bout des diplômes. J'ai passé tous les diplômes et beaucoup de concours. Mais voilà, on va encore continuer. C'est tellement passionnant. Mais le premier gâteau, c'était quand ? premier gâteau, je pense que c'était dans la cuisine à Rambois, on vivait à Rambois et on faisait les beignets de carnaval, on faisait les tartes avec ma mère, ça c'est sûr, c'est les premiers gâteaux. Ouais. Ah, c'est chouette. Du coup, après ce stage de troisième chez Monsieur Perret, que l'on embrasse peut-être. Ah, tout à fait, oui. On embrasse. Quelle est la suite de ton parcours? Il y a une formation, Je rentre au lycée hôtelier à Gérardmer, c'était quelque chose d'assez connu, toujours très connu. Oui, très réputé. J'entendais pas trop parler de l'apprentissage, c'est quelque chose qui m'aurait plu aussi, mais j'en ai pas trop entendu parler. Et puis, on m'a parlé du lycée, et go, allez, je pars pour 2 ans. C'est un BEP, CAP, pâtissier, confiseur, traiteur. Ah oui, d'accord, voilà. Ok. Et je pars avec... D'où le pâté Lorrain. Par exemple, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que dans nos métiers, on fait aussi des quiches, ça fait partie du métier un petit peu. Et je rencontre donc des profs, Monsieur Pirel, Monsieur Paris, Monsieur Harry, voilà, qui vont me donner le goût au métier. Et j'enchaîne comme ça différents diplômes entre les Vosges et Nancy. D'accord. Je vais partir après au CEPAL de l'AXOU, où je passerai 2 diplômes très très importants, qui sont le BTM et le brevet de maîtrise. Voilà. D'accord, ok. Et ça t'a pris combien de temps tout ça alors? Eh ben 2, 3, j'ai fait une année de traiteur aussi chez Michel et Marie Gravier, très connu sur Mirmont, oui. Qui avait le traiteur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Eh oui, il ne faut pas avoir peur. Non, non. Il faut pas avoir peur, mais ces diplômes-là, c'est pour ça que je pousse beaucoup les jeunes. Ils vous emmènent loin. Quand on sort d'un brevet de maîtrise, on est apte à prendre une entreprise. On connaît la gestion, on connaît aussi la psychopédagogie, toutes ces choses-là qui sont importantes pour nous. Ouais. Quelle qualité ça requiert d'être pâtissier, confiseur, traiteur, du coup? Faut être courageux. Voilà, faut être courageux, faut être dynamique, faut avoir une bonne santé physique aussi. On travaille 6 jours sur 7, on travaille les jours fériés, on travaille à Noël debout tout le temps en permanence. Il faut une bonne condition, ça c'est sûr. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? De la créativité. Oui. Il faut aller chercher loin. De la curiosité. Voilà, sans arrêt. J'appelle aussi la photographie mentale. J'essaie de regarder toujours autour de moi et de photographier, de garder en mémoire. Et un jour, ça va me resservir. Ouais, super. C'est quoi la pièce que tu as faite dont tu es le plus fier, mais quelque chose de complètement fou? J'avoue que la pièce en chocolat de la finale était très très particulière. Elle traitait sur le biomimétisme, donc c'est la pièce de demain. Et rarement on fait des pièces en panoramique. Si on regarde un petit peu les concours de pâtisserie, on fait des pièces qui sont toujours verticales, on va le plus haut possible, le plus artistique possible. Et là, c'était en discussion avec mon parrain, on a décidé de faire une pièce en panoramique. Donc j'ai été le seul à poser une pièce, on va dire, à plat sur la table. Donc j'ai pris risque maximum, mais c'était une pièce assez inédite en tout cas, ouais. Incroyable, incroyable. Alors, je cite, c'est dans l'entreprise Pâtisse France Puratos, j'espère que je le dis bien, tout à fait, à Charme, que tu fais tes armes et que tu transmets ton savoir-faire dans le monde entier. Hein, c'est ton quotidien d'aujourd'hui. C'est ça. Donc mon premier job, je suis salarié pour cette société. D'accord. J'ai commencé à l'âge de 23 ans dans cette société et je suis formateur en pâtisserie. Donc j'interviens pour nos clients. Donc quand je dis nos clients, c'est les patrons, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, restaurateurs, voilà. Je m'adresse vraiment aux professionnels et je les forme à travers des nouvelles recettes, des concepts, nos produits aussi, ce qu'on vend des matières premières en France et à l'étranger. D'accord. Donc ça représente 90%, 85% de mon activité. D'accord. Et l'autre partie? En l'autre partie, j'ai monté une société de consulting à titre personnel qui s'appelle Jonathan Mougel Conseil. Donc là, je fais la même chose, mais on va dire à titre personnel, sans marque, c'est Jonathan Mougel, voilà. Incroyable. Meilleur brûlé de France. Ok. Tu formes les gens, donc les professionnels, les gens qui travaillent déjà dans le métier. Est-ce que tu dirais qu'il y a une évolution perpétuelle du métier, justement? Sans arrêt. Ok. Techniquement, ça arrive souvent avec les meilleurs brûlés de France ou un autre concours qui est très connu, c'est la Coupe du Monde de pâtisserie qui a lieu tous les 2 ans à Lyon. Tu vas le faire ? Alors, je peux plus faire de concours. Quand on est meilleur de France, on fait plus de concours c'est derrière. C'est pas vrai. Ouais, tout à fait. Oula. Il aurait fallu que je le fasse avant. D'accord. Ça montre aussi le niveau du concours. Ah voilà. Oui, c'est le maximum, quoi. Il paraît. Donc, la Coupe du Monde va chaque année faire évoluer le métier parce que le monde entier va créer des choses, des nouveautés, des moules, des techniques, des process. Et le meilleur de France aussi va donner un peu la tendance sur les prochaines années au niveau du métier. D'accord. Ok. Donc c'est ça que tu perçois dans l'évolution du métier? Oui. On évolue. Là, on travaille beaucoup, par exemple, sur on retire un petit peu de sucre, on retire du beurre. Hein, on est vraiment D'accord. dans cette tendance de santé, en fait, sur le D'accord. végétal notamment aussi. Hein. Ah oui. Il y a beaucoup de nouvelles choses pour les véganes. Ah mais totalement. Le plus dur, c'est de retirer les œufs, hein. Mais le reste, on y arrive totalement. Comment on fait alors, par exemple? Explique-nous comment on pourrait faire pour remplacer la farine. Alors la farine, je dirais qu'on peut changer. Pour le gluten, on peut trouver d'autres farines. Oui, farine de riz, oui. Maïzena, ça fonctionne très très bien. Ça, il n'y a pas de souci. Okay. Remplacer du beurre, on y arrivera. Il n'y a avec pas de souci. Tu connais le ghee? Le ghee? Ouais. Le ghee, on s'embrasse ou le ghee? Non, c'est pas ça. GH2E. C'est un beurre purifié en fait. Et c'est un petit goût d'amande. C'est très très agréable. Alors, on utilise beaucoup les fruits secs justement pour remplacer tout ce qui va être beurre et tout ce qui va être œuf. D'accord. On va servir de l'amande, on va servir. Attention, on peut utiliser la noisette aussi. Oui. Il y a des allergies qui arrivent, hein, il y a des fruits à coque par exemple. Oui, c'est vrai. Mais l'amande, elle va énormément aider pour ces remplacements de beurre et d'œuf, oui. Ça amène de la consistance, l'amande. Tout à fait. Ah oui, oui. Donc tu travailles au sein de l'équipe recherche et développement aussi. Oui, enfin, alors, j'ai lu ça en tout cas. Mais non, c'est vrai. Donc là, je fais des gâteaux tous les jours, hein, je continue à faire des gâteaux tous les jours. Mais j'ai aussi une partie de mon actualité, de mon travail, pardon. Je fais de la recherche et développement. Alors, un exemple type, l'année dernière, au mois de septembre, je suis allé chercher une jolie noisette dans le Piémont. Donc, c'est la région, on va dire, avec un grand R de la noisette dans le monde. D'accord. C'est une des meilleures, une des considérées comme la meilleure. J'ai été sélectionné dans un champ, cette noisette. Je l'ai ramenée et on a créé un praliné de toutes pièces. Tu pourras la trouver dans la tablette, d'ailleurs. Eh ben oui, j'allais le dire. Et voilà, ça fait partie aussi de mon métier, c'est de la recherche et développement, et je crée un produit pour nos clients, voilà. Donc j'ai la grande chance quand même que Jonathan m'ait ramené deux plaques de chocolat que tu as fait, que tu vas bientôt pouvoir vendre au public à travers des boutiques éphémères sur Internet. On en parlera à la fin de cette émission dans tes projets. Et du coup, il y a ce fameux pralin de noisette, c'est bien ça? Voilà, praliné noisette. Praliné. Donc on va broyer du caramel avec des noisettes. Et vous obtenez ce fameux praliné connu de tout le monde. Alors, c'est un D'accord. 63% de fruits secs. Ça veut dire c'est du haut de gamme. Voilà, j'espère que tu vas apprécier. Ah bah, je vais forcément apprécier. Je me demande, en fait, si je vais goûter. J'ai peur d'ouvrir la boîte. Il faudra. J'aime bien devant, c'est marqué réconfortant, subtil, harmonieux. Alors, c'est pas Jonathan qui est comme ça. C'est le produit qui est à l'intérieur. D'accord, merci de ta précision. Alors, j'ai lu également que tu étais un amoureux des voyages, et ça, tu me l'as dit tout à l'heure, pour transmettre dans un premier temps et découvrir aussi les gens, les cultures et les produits à leurs origines. Tu viens de nous le dire juste avant. Donc, tu vas directement à la source rencontrer les produits. C'est ça. Mais alors, ça, c'est incroyable. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc, j'ai la chance d'être payé pour faire ça, entre guillemets. Wow. Mais je choisis aussi de vivre ça. Donc, je suis en train d'organiser un voyage autour de la pistache de Bronte pour aller la comprendre, pourquoi elle est aussi bonne. Je travaille aussi sur l'amande espagnole parce que c'est une des, on connaît très bien l'amande espagnole. Voilà. Pourquoi elles sont si bonnes? Donc, je découvre les terroirs, je découvre les gens, leur culture, l'amour qu'ils mettent sur ces produits et avec de la bonne matière première, on fera forcément des bonnes choses. Voilà. Incroyable. C'est ce que je recherche. Mais c'est incroyable de comprendre pourquoi le produit est comme il est, quoi. Et j'imagine que tu dois comprendre beaucoup de choses. Ah, mais instantanément, le Piémont, par exemple, on est quand même au pied des Alpes. On est dans des petites collines qui sont un petit peu plus petites que nos Vosges, d'ailleurs. Ouais. Et d'un côté, vous avez la vigne, de l'autre côté, vous avez la truffe. Enfin, je veux dire, la noisette, ça peut être que bonne, hein, ça, c'est sûr. C'est quoi l'endroit que t'as préféré découvrir et le produit associé? À cet endroit. Alors, peut-être la région du monde que j'adore, oui. Il y en a deux, c'est le Japon. Ça, c'est exceptionnel. C'est vraiment un autre monde avec une culture incroyable, une alimentation incroyable, une zénitude. Enfin, j'ai adoré ce pays. Oui. J'ai rencontré forcément pas mal de produits. Et la deuxième qui m'a beaucoup plus marqué pour le cœur que pour le produit sur place, on va dire, c'est l'Argentine. Donc là, j'ai eu la chance d'aller en Argentine aussi. Et là, j'ai rencontré des gens assez exceptionnels. Un très, très beau voyage. La viande était bonne, la bière aussi. Hein, y a pas de souci. Et en plus, tu m'as dit en Asie, c'était vraiment un grand honneur pour eux de te recevoir parce qu'ils sont très friands justement de tout ce que l'on propose, nous, en France, voilà, culinairement. Et de te voir arriver meilleur ouvrier de France, ça leur a fait un petit effet, quoi. Ah oui, c'est assez incroyable. Les Japonais, en fait, depuis longtemps, ils étudient la pâtisserie française. Et ils sont d'ailleurs très, très forts. Hein. Les basiques de la pâtisserie française sont très connues là-bas. Vous les trouvez D'accord. vraiment. Et ils les maîtrisent à la perfection. Ils aiment beaucoup la France, ils aiment beaucoup les Français. français. Et c'est vrai que quand vous êtes meilleur au Wet France en pâtisserie, là, ça détonne, quoi. Mais j'étais encore plus admiratif, moi, de rencontrer leur pays. Enfin, j'étais amoureux de leur pays. Je le suis encore un peu plus. Super. On va se lancer dans nos deux prochains sons. Cette émission passe à toute vitesse. T'es pas pressé? Ça va. On va se lancer dans mon prochain disque chouchou, qui est un disque fait par Bruno Mars, Anderson et Silk Sonic pour Fly As Me. Mais on va également écouter juste après les Red Hot. Hein, c'est ton choix. Je t'ai demandé de choisir un petit son. Tu as choisi Snow. Ouais, c'est le petit, c'est la petite musique qui me met de bonne humeur au réveil généralement, celle-ci. Donc super. On écoute ces deux sons et on se retrouve juste après. Now, have you ever been with a player? Take you downtown where they treat me like the mayor. Take you to the crib where you take it upstairs. What's upstairs? Shit, I'ma show you later. Don't need a spatula, everything Cajun. Extra flavor. Go ahead, sprinkle some truffles on your mashed potatoes. I'm trying to love you. Is you gonna love me back? Y'all only get what you give. Ain't you ready? Like a mat, float like a butterfly on every single track. And the only language that I speak, girl, is back. So once I give this game to you, I can take it back. Hollering at you from a 1977 Monte Carlo. Hard act to follow. It's showtime, trying to boo you up like it's the Apollo. Your walk is vicious. Let's get down to business. You and me together. Woo, that's something different. Play it on my life to sacrifice. Hey. more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow. Blindly divided by a world so undecided, and there's no. Pour ce petit bout des Red Hot, moi j'ai trop envie de parler avec toi, je coupe la musique. Allez, et oui, c'est comme ça. Merci beaucoup en tout cas d'être avec moi aujourd'hui dans les studios. Moi je suis vraiment honorée de ta présence. Voilà, je suis ravie que tu sois venue pour nous parler de tout ce que tu as rencontré et de tout ce que tu fais. Alors dis-moi combien tu as de créations à ton actif, parce que des créations, j'imagine que ça fait aussi partie de ton quotidien, ton pâtissier. Tu parles peut-être de création pâtissière, des choses comme ça? Oui. Ou là, je saurais pas dire le nombre. Ah. Je sais pas. À la louche. Je sors peut-être 40 nouvelles recettes par an. Ah oui. Je sais pas. Plus des concepts ou alors pour un client spécifique, quelque chose de particulier ou. Incroyable. Je saurais pas dire le nombre, c'est assez important, oui. Ok. Par quel procédé tu donnes naissance justement à une nouvelle recette? C'est quoi les étapes? Le dessin. Donc le dessin va me permettre de faire une forme, de faire des textures, voilà. Souvent je pars sur un dessin, c'est comme ça que je pratique. D'accord. Et ensuite je vais disposer, bah allez, on va faire un biscuit comme ça cette fois-ci. Je travaille avec les saisons, enfin c'est clair et net, je bosse avec les saisons. Tous les mois j'essaye de faire une recette qui va utiliser tel ou tel fruit, telle ou telle matière. Donc ça c'est déjà une bonne approche pour créer. Et après je me sers des bases de la pâtisserie française, voilà, biscuit comme ci, crémeux comme ça, mousse comme ça. Et j'essaye à chaque fois d'emmener une nouvelle technique, un nouveau process ou une nouvelle finition, quelque chose de moderne ou quelque chose de plutôt contemporain. Enfin voilà, Et les ingrédients, à part de saison, voilà, tu aimes vraiment les produits français, j'imagine, ou pas? Alors on pourrait pas faire de la pâtisserie avec du produit français, ouais. Ça, c'est sûr. J'aime bien prendre localement les choses, rester en France. Là, je travaille sur des noisettes du Lot-et-Garonne qui sont superbes. Mais si on veut un ananas de qualité ou est quand même un petit peu obligé de prendre. Donc voilà, on peut pas se leurrer à dire qu'on prend que du français, mais on peut déjà faire quand même beaucoup de choses. Ce que je veux juste dire, c'est quand on mange des fraises, on les mange en saison, quoi. Oui. J'aime pas manger une tarte aux fraises en octobre, quoi. C'est pas possible. C'était le petit message de Jonathan. Allez, c'est le moment où je vais te passer à la casserole. N'aie pas peur. Aïe. N'aie pas peur. Est-ce que tu peux nous livrer un petit secret de recette? Un petit secret de recette. Oh là, alors là, je sais pas. J'en ai tellement des secrets. Allez. J'aime bien remplacer, moi, le sucre blanc, ce qu'on appelle le saccharose, techniquement. Oui. Par du sucre roux. Je vais souvent sur l'île de la Réunion, voilà, c'est des saveurs que j'aime beaucoup. Le sucre roux en même quantité va vous apporter des saveurs totalement différentes que du sucre blanc. Super. C'est un petit détail, mais qui a son importance. Tout à fait. Je crois que tout est dans le détail, d'ailleurs. C'est vrai. Quel est ton ou tes ingrédients favoris? Alors, j'ai beaucoup parlé, on va dire, des fruits secs. C'est vrai que l'amande, par exemple, l'amande et la noisette, je me répète, mais c'est des produits qu'on utilise depuis la nuit des temps dans notre métier. Et ce que j'ai appris depuis ces dernières années, c'est à à faire la différence entre une amande et une deuxième amande et une troisième. Voilà, la même chose avec les noisettes. J'aime bien comprendre les subtilités, les notes organoleptiques. D'accord. Un ingrédient insolite. Alors, il va pas être trop insolite, on le connaît tous, mais je l'associe énormément, sans pour autant qu'on le sente. Mais il vous apporte quelque chose, c'est le gingembre. Génial. Côté piquant ou côté un peu frais qu'il va vous apporter, mais sans qu'on sente à fond le gingembre. Oui. Tout le monde n'aime pas. Hein. Un petit côté de peps. Exactement, donc je le mets dans l'insolite, même s'il est assez connu. C'est vrai. Si tu étais une pâtisserie... Physiquement ou... Parce qu'en ce moment, je suis plus religieuse, vous voyez ce que je veux dire. Non, ce que je pense que ma pâtisserie favorite, ça je le dis depuis très très longtemps, c'est le millefeuille. Voilà, des choses très très simples. Moi j'aime les choses simples. Un bon millefeuille, ouais, une pâte feuilletée craquante, caramélisée, une bonne crème, voilà. On y est. Une pâtisserie revisitée. Le Saint-Honoré. D'accord. Je l'ai d'ailleurs fait pour la finale. Donc physiquement, visuellement, on voyait pas que c'était un Saint-Honoré, mais quand on plongeait la cuillère et qu'on mangeait les yeux fermés, on ressentait toutes les notes du Saint-Honoré. Génial. Si tu pouvais travailler n'importe quel ingrédient, voilà, tu as accès à tous les ingrédients du monde entier, lequel serait-il ? Alors, je pense sincèrement celui qui est le plus sympathique, le plus et un des plus chers aussi, c'est la vanille. Et oui, en fait, et j'adore l'histoire de la vanille parce que on a découvert la vanille à La Réunion. Elle existe dans les Amériques depuis très longtemps, au Mexique. Il faut savoir que c'est l'homme qui a découvert comment féconder la vanille. Et dans le monde entier, elle est fécondée à la main. D'accord. Il y a juste un endroit dans le monde où on appelle ça une vanille naturelle, c'est au Mexique. Il y a toujours ces petites abeilles, ces mini-abeilles en fait, qui peuvent féconder la vanille naturellement. C'est une orchidée en fait. Hein. Et il y a que ces petites abeilles qui peuvent le faire. Mais dans le reste du monde, en fait, c'est Albius, un esclave réunionnais sur l'île de La Réunion à l'époque, qui a découvert comment féconder cette vanille. Et depuis, dans le monde entier, elle est faite de cette façon. Incroyable. Donc c'est pour ça que ça la rend... incroyable, exceptionnel, c'est vrai. Tu as déjà été à la rencontre de la vanille naturelle qui se reproduit toute seule? Alors j'irai cette année puisque j'ai un voyage au Mexique qui est prévu. Ah j'étais allé il y a 2 ans mais j'ai vraiment pas eu le temps. Et là j'ai prévu de pouvoir. Ah bah oui, forcément. Plutôt que chocolat noir ou au lait? Chocolat noir. Pourquoi? Ah, l'intensité, forcément. Alors, c'est vrai, on aime tous le chocolat au lait, c'est rond. C'est d'ailleurs le chocolat préféré au monde, c'est le chocolat au lait. Mais on se dirige tout doucement vers le chocolat noir pour son aspect aussi santé. Oui. Non, j'aime ça, un peu la force, ouais. Avec quel pâtissier confiseur aimerais-tu élaborer une recette si tu pouvais travailler avec n'importe qui? Alors, j'ai déjà la chance de partager quand même beaucoup de petites choses comme ça. C'est vrai que il y en a tellement des bons. Quelqu'un que j'aime vraiment vraiment beaucoup parce qu'il est très fort, parce qu'il est très connu, mais aussi parce qu'il est très simple, c'est Christophe Michalak, tout simplement. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel qui a fait beaucoup pour ce métier parmi tant d'autres. C'est le premier que je nomme comme ceci. J'imagine d'ailleurs, petit aparté, que tu as dû rencontrer énormément de gens. C'est qui la personne voilà qui t'a le plus marqué dans toutes ces rencontres? Ben, je vais être simple, hein. C'est Stéphane Leroux, tout simplement. Stéphane a eu, on a eu cette accroche à un moment donné. Et c'est certainement le plus fort au monde en chocolat par rapport à ce qu'il fait. Eh oui. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux Stéphane Leroux. Il fait des choses artistiquement qui sont folles. Et je dis toujours qu'il a emmené beaucoup de techniques. Mais c'est son intelligence qui transmet dans ses techniques et ça j'aime beaucoup. D'accord. Si tu étais un ustensile de pâtisserie. J'allais dire le fouet, mais ça, c'est pas terrible. Non, ça me fera penser à quelqu'un, d'ailleurs. J'utilise beaucoup la Maryse. Hein, c'est ce fameux manche blanc, enfin blanc ou noir, peu importe, avec le bout de silicone qui permet de bien racler un cul de poule ou une casserole. C'est une Maryse, voilà, j'utilise beaucoup. Et j'ai une bonne amie qui s'appelle Maryse, donc je lui fais des soucis, d'ailleurs. On apprend quelque chose, moi j'appelais ça une spatule. Eh ben voilà, c'était une Maryse. Merci beaucoup. À quand jury dans le meilleur pâtissier? C'est marrant, parce que tu m'as dit que tu avais fait pas mal de trucs avec Mercotte. Oui, alors je sais pas, on me demandera peut-être un jour. Il m'arrive de regarder de temps en temps, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis partagé par plein de choses. Ça a fait parler de notre métier, bien sûr. Oui. On a parlé beaucoup de la pâtisserie. Je pense qu'il y a des choses à faire évoluer. Encore, on parle d'un métier qui devient accessible et facile, alors que c'est pas le cas. C'est ça que je suis un peu contre ça, en fait. Il faut des années d'expertise pour apprendre. Maintenant, le côté positif, c'est qu'on en parle, c'est que beaucoup de gens sont mis à faire leur propre gâteau. Oui. Et ça, c'est plutôt bien. Oui. Sais-tu Attention, c'est une question incroyablement difficile. Oula. Dont tu devrais avoir la réponse. S'il a peur, le pauvre. Oh, le piège. Oh, le piège. Sais-tu en mètres combien mesure la plus grande bûche de Noël créée à ce jour au monde? Alors là, je suis pas trop encyclopédie, moi, mais... Je sais pas, moi, j'ai pas entendu parler de... Je sais qu'à Madagascar, ils vont faire une bûche qui va avoisiner les 210 mètres. Là, j'ai entendu ça avec les escoffiers, d'ailleurs. Alors, ça doit être plus que ça, j'imagine. 1420 mètres. 1420 mètres, ça fait un sacré frigo, ça. Hein. Elle a été réalisée par un artisan boulanger-pâtissier de Vernon dans l'Eure pour le Téléthon en 2014. Voilà, j'ai posé la question à papa dans la préparation de notre émission spéciale Noël que vous retrouverez le 24 décembre à midi. Il m'a demandé si je t'avais posé la question. Eh bien oui, c'est chose faite. En parlant de bûches, quelle est ta recette pour cette année? Est-ce que tu as pu y réfléchir? Alors j'en ai fait une cette année que j'ai décliné, enfin j'ai fait plusieurs recettes sur plusieurs magazines, des choses comme ça. J'ai une que j'ai appelée hypnotique. Donc c'est à base de, c'est juste pour le visuel, le côté hypnotique. On se demande ce qui se passe. Il y a un peu, on dirait qu'il y a un peu une fusion, quelque chose comme un cratère. C'est un confinement qui est compris entre un biscuit et un décor chocolat. Mmh. Et on a l'impression qu'il y a une éruption comme ça. Donc c'est le côté hypnotique. Elle est à base de chocolat au lait. C'est un chocolat au lait qui vient du Vietnam d'ailleurs. Il y a une compote de mangue ananas et j'y mets un petit citron vert, un peu de gingembre, un peu de vanille, enfin toutes des choses qui peps. Un biscuit chocolat japonais, donc là j'avais vraiment récupéré cette recette quand j'étais allé au Japon. Ce qu'on appelle les biscuits japonais, c'est des biscuits très tendres, très moelleux, on pourrait se coucher dessus largement. Ah oui. Voilà, et un croustillant chocolat aussi dedans avec un peu de fleur de sel. Donc pas trop de notes différentes, mais des choses qui vont différentes, pardon, mais des notes qui vont s'associer en une seule bouchée en fait. J'ai le ventre en PLS là. Aïe. J'imagine que tu dois être hyper convoité. Tout le monde veut t'inviter à Noël. Eh ben allez, c'est parti. J'ai lu que t'étais addict au chocolat. Ouais, j'aime ça, ouais. Mais en période en fait. C'est-à-dire, d'accord, je vais pas en manger tous les jours ou toute l'année, mais il y a des périodes comme ça où alors là ça peut déglinguer les tablettes, excusez-moi l'expression, mais là ça peut ouais. Non, j'aime ça, ouais. Pour toi, c'est quoi un bon chocolat? Alors, peu importe la marque, la qualité, le pourcentage, on parle toujours un peu de ça, c'est celui qui vous fait plaisir en fait, qui vous donne du plaisir. Oh. Moi, j'aime la façon de le manger aussi. Souvent, on croque un carré de chocolat, on croque. Non, faut le laisser fondre. On va vraiment sentir tout ce beurre de cacao qui va aller autour de votre palais. Et c'est ce qui va donner les meilleures notes. Mais bon, un chocolat, elle est aux environs des 66-70%. D'accord. Quelque chose qui vous donne des petites notes acides. J'aime beaucoup l'Asie au niveau du chocolat parce qu'on a des notes de baies rouges, un petit peu des groseilles, des choses comme ça. C'est assez sympathique. Super, j'avais plein de questions. Moi, il est presque 13h, je suis tellement frustrée. On va quand même parler du lancement de ta gamme, les plaquettes que tu viens de me ramener aujourd'hui. Il y aura donc une boutique éphémère en ligne et le packaging est fabriqué dans les Vosges, ce qui ne m'étonne pas du tout au visuel, du coup. Tout à fait. Car c'est une montagne pleine de sapins. C'est ça. J'ai voulu, en fait, depuis un petit moment, j'essaye aussi de travailler sur le d'où je viens du département des Vosges et j'aime ça. Oui. Il faut le faire vivre ce département, il faut en parler, donc j'essaye un maximum de le faire et puis voilà, mes racines sont ici. Et alors ce packaging a été créé avec une graphiste qui est pas loin d'ici, qui est en Alsace. D'accord. On a bossé un petit peu sur les sapins, effectivement, il y aura plusieurs coloris et c'est imprimé à Saint-Dié, donc avec papier Clairefontaine, donc voilà, j'essaye de toujours mettre en avant le département. Super. Alors, quand est-ce qu'on pourra les retrouver, ces plaquettes de chocolat au grand public? Ah, je suis un peu retard. J'aurais bien aimé pour Noël, mais donc, il y aura un site de vente en ligne où elles seront de temps en temps, pas toute l'année, puisque mon activité ne me permet pas de les fabriquer, on va dire, toute l'année. Et il y aura aussi des boutiques éphémères et je pense bien en faire une sur Miremont. Ah. Donc là, sur quelques jours ou quelques semaines, il y aura un lieu de vente. D'accord. Voilà, pas sur Internet, alors vraiment en physique. En vrai, ouais, en physique, ouais, c'est prévu. Je voulais le faire, mais le Covid nous a un petit peu empêché de nous organiser correctement. Oui. Mais j'aimerais, voilà, on va être à la rencontre du grand public, si je puis dire. C'est vrai que je touche toujours le grand professionnel. Oui. Et j'aimerais, voilà, rencontrer les gens. Mais le grand public que tu rencontres quand même assez souvent lors de festivals, j'allais dire, non, c'est pas le même milieu, lors de salons, etc. Voilà, tu fais bien des sûr, démonstrations, ouais. Tu montres aux gens ce que tu fais. J'étais par exemple sur le salon de la gourmandise. Mais oui. J'étais parent en 2019 et c'est vrai que j'avais pu faire une démonstration ou divers petits salons comme ça locaux. C'est génial. Ça fait quoi de rencontrer le public justement hors professionnel? Bah c'est génial et puis bon, on a plein d'amis, plein de connaissances, donc c'est plutôt sympathique de pouvoir s'exprimer et de montrer un petit peu notre métier. Super. Toi aussi, tu es le parrain d'un futur meilleur ouvrier de France. Est-ce que ça t'est arrivé d'accompagner quelqu'un dans ce concours ? Alors là, je vais le concours redémarre. Alors, il a pris un peu de retard parce que le Covid a vraiment tout bloqué, bien entendu. Et là, le concours s'ouvre cette année. On espère qu'il pourra aller au bout. Et j'accompagne effectivement un candidat qui a été présent pour moi, qui me donnait des petits coups de main tout au long de mon entraînement. Et qui veut y aller, donc je l'accompagne. Ça y est, c'est reparti pour un tour, quoi. C'est ça, je suis de l'autre côté de la barrière cette fois, mais je vais l'accompagner à fond, ouais. C'est un peu le concours par procuration, quand tu es parrain un peu, non? Ouais, mais on se doit de transmettre et puis d'accompagner, et puis c'est un vrai plaisir. Oui. Je vais être également coach de l'équipe de France pour la Coupe du Monde des moins de 23 ans. C'est pas vrai. Donc là, je vais accompagner une équipe de deux jeunes pour aller cette fois sur une Coupe du Monde, ouais. Incroyable. Que de privilèges quand on est meilleur ouvrier de France, quand même. C'est vrai que ça ouvre certaines portes très sympathiques. Ouais. Après, tu le disais quand même, il faut pas oublier cette exigence, voilà, qu'on te demande et cette expérience qu'il faut continuer de travailler tout au long de ta vie. Si tu avais un grand rêve aujourd'hui, ça serait lequel ? Ah, c'est vrai que ça fait tellement d'années que je voyage et que je forme les gens et que je travaille pour une entreprise. Peut-être que ouvrir ma propre boutique serait cet ultime rêve, ouais, ou ultime, non. Il y a d'autres rêves que le métier, on va dire. Mais ce serait peut-être une belle finalité, ouais, pourquoi pas. Te poser et puis rencontrer les gens, vendre tes produits. C'est ça. Mais le voyage te manquerait. Je continuerai vers le voyage quand mais même. Mais oui, tu pourrais aller toujours à la rencontre des ingrédients que tu as envie de travailler. Mais il faut, toujours. Incroyable. Il me semblait aussi qu'il y avait un livre W qui est sorti il y a quelques temps avec deux autres professionnels, Jean-Philippe Valser et Michael Ferry. J'espère que j'ai bien voilà. Prononcé. J'arrive pas aujourd'hui. C'est toi, c'est le chocolat là, mon ventre a pris dedans, là. Ouais, bah ce sont deux amis avec qui on a écrit un livre, on a coécrit ce livre et on a voulu aller jusqu'au bout des choses, on a même édité. D'accord. Donc avec Jean-Philippe, on a fait une maison d'édition. Et donc on a fait un deuxième ouvrage là, mais cette fois on l'a produit pour un copain chef. Et j'espère on va repartir sur un troisième ouvrage là qui sera pour un autre chef. Là on est vraiment dans une maison de production cette fois, on se sert un peu de ça. Donc c'est ma troisième activité histoire de s'amuser un peu. Et j'aimerais pour la fin d'année prochaine réécrire quelque chose mais de plus personnel cette fois. Hein. D'accord. Donc c'est toujours autour de la pâtisserie. Toujours, oui. Ah génial. Il y a un site internet, je vois derrière cette fameuse plaque de chocolat. Alors il est en fabrication. D'accord. Il est en création. C'est d'ailleurs mon petit frère qui s'occupe de ça. Cette famille, vous voyez. On l'embrasse. Voilà, tout à fait, Julien. Et il est en création et ça va ouvrir ses portes, on va dire, en début d'année. Ah génial. Si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient devenir comme toi. Pâtissier, confiseur, traiteur, et pourquoi pas participer et décrocher ce fameux honneur d'être meilleur ouvrier de France, tu leur dirais quoi ? Alors, d'être passionné, d'être travailleur, en fait. Donc, sans passion, on n'y arrive pas, mais sans travail, on y arrive encore moins. Oui. Comme je te le disais, il y a avec des élèves pendant 2 jours, là. Et oui. Ça a été mon message, en fait. Ils ont un vrai métier dans les mains. Mais sans courage, sans passion et sans travail, on ne peut pas y arriver. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, il faut travailler un petit peu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une petite plaque à ton nom maintenant dans ce lycée à Gérardmer. Ah non, c'est pas le lycée à Gérardmer. Ah, c'est pas celui-là ? C'est un autre, c'est un collège au Thio. Donc, ah bon ? Pareil, une amie qui est en fait responsable au niveau SECPA en fait, et qui m'a fait intervenir pour un cours 4e-3e. Et le directeur de ce collège, c'était mon prof de gestion au lycée hôtelier. Donc ouais, le monde est petit en fait. Et j'ai fait ce cours avec les gamins de 4e et de 3e. Et ils ont voulu changer le nom du petit atelier. C'est devenu l'atelier J'ai un temps où j'aime, voilà. Mais c'est génial. C'est top. Mais en fait, à travers toute cette histoire, ce qui est comme incroyable, c'est que voilà, un jour, ta vie aura défilé, mais que la trace sur terre de ta présence restera toujours. Eh ben peut-être, non mais c'est vrai que c'est... Tu resteras toujours meilleur ouvrier de France. Ah, c'est un titre à vie, ça, c'est voilà, vrai. C'est un titre à vie, il y aura toujours cette plaque, peut-être pas, peut-être qu'un jour elle changera, mais en tout cas, voilà, il sera toujours écrit dans l'histoire qu'un jour Jonathan Mougel a été meilleur ouvrier de France, pâtissier, confiseur, et ça quand même c'est la classe. C'est pas mal. Merci beaucoup Jonathan d'avoir été avec moi aujourd'hui, et puis qu'est-ce que je te souhaite pour la suite ? Eh ben, de passer un bon réveillon et puis qu'on reste tous en bonne santé aussi, c'est le plus important, je pense. Allez, ça marche. Cette émission sera rediffusée exceptionnellement du coup lundi à midi. Je serai en vacances, mais voilà, tu pourras, auditeur, réécouter cette interview incroyable où j'ai tellement bafouillé que ça passera dans le bêtisier toute l'année. Merci beaucoup. En attendant, je te laisse avec la suite des programmes. Passe de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très très bientôt, le 24 à midi, en direct avec toute l'équipe pour t'accompagner lors de peut-être ces préparatifs, lors de la confection de ta bûche par exemple, avec la recette que Jonathan nous a livrée tout à l'heure. En tout cas, prends bien soin de toi et surtout, prends bien soin des autres. Allez, kiss.